tous Musique Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Passé de quelques minutes, eh bien voici donc eh bien l'émission comme tous les mardis Music Dance. Très heureux de vous retrouver tout simplement pour vous présenter comme tous les mardis après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon début de semaine, une très bonne matinée et que ainsi que vous voulez continuer tout simplement de passer. Bon après-midi. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, on va débuter l'émission avec le groupe tout simplement Image, et tout simplement avec le titre au début de Minuit, et puis suivi les Touriflis, tout simplement Partir un jour. Voilà donc, et bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. savoir garder.

pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué. Et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Arc-en-Ciel. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère, l'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir nouveau. Autrement. Du temps qui passe, presque en silence qu'on tombe de but en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment indépendant de son attitude. Choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, prêt à prendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermez vos portes, les sentiments libéraux. Reviendrez peut-être un jour à moi et non. Dans son cœur. Voici donc qu'elle s'appelle Jen Manson avec le titre avant de se quitter, puis juste après d'autres chansons pareilles différentes. Avant de nous dire adieu, avant de nous dire adieu.

donc Barbara Streisand, et puis juste après elle, on écoutera quelques chansons portugaises. On se retrouve juste après. Comi com gente de

Voici donc la tigresse avec Gloria Gaynor. Puis suivi de Cochrane. Would you carry me with you to the far edge

Voici donc Santa Maria avec Mireille Mathieu et puis suivi de Franck Michael. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver autour du monde. Et la mer qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des La statue a des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens. Mais un seul je t'aime sur le canal. Jusqu'au petit jour, les chansons velours, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bal. Ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. Sérénade, mais je sais déjà que dans quelques heures ensemble on revivra un carnaval d'amour. Oh, la nuit sur le canal. Ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours, des millions d'étoiles. donc Jean-Luc Lahaye avec Femme que j'aime, mais suivi de Chacha Distel. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. Chaque année porte son prénom, ma femme. de la vie et le temps partagé. On fait jour et nuit de nous rapprocher. arc-en-ciel. Voici donc la grille des programmes pour demain. Et ainsi, on se retrouve juste après pour d'autres chansons. Voilà donc bien déjà pour ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission Electric Choc. Et puis demain avec Victor entre 9h jusqu'à midi avec tout simplement Portugal en fait. Juste après dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria, la musique de Gloria. Et puis juste après entre 16h et 17h. Zik d'ailleurs. Puis enfin deux soirées avec Violette pour l'émission traditionnelle entre 18h et 19h30 et puis juste après avec Christina entre 19h30 jusqu'à 21h. Et puis pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Amer Giraud, Vase de Portugal. Voilà donc la grille des programmes, et puis donc, revoici avec les chansons. Voici donc Hervé Villard avec tout simplement Capri, c'est fini. Et puis juste après, le Madison et le disco. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai. Jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Et puis donc le Madison avec les Blues Brothers. Right. Au bord des vagues, l'on s'allonge. en plein soleil et entre amis. En quelques heures, vite il bronze. En un quart d'heure, moi je rougis. Je suis sous un parasol.

encore un matin avec Jean-Jacques Goldman et puis juste après Madonna, Isla Bonita.

c'était un homme avec Diane Tell. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc Bolem avec Sunny, et puis juste après ils sont deux donc en duo. Money and Talking, Yama Heart, Human Soul. I'll be

une heure de fond. Arc-en-ciel. Donc il est tout pile, eh bien 16h50 déjà, et oui. Donc eh bien, l'émission touche à sa fin, voilà, donc à 16h, non 10h, 17h, l'émission touche dans sa fin. Voilà donc eh bien, cette chanson-là, qu'on va se dire bonsoir, qu'on va se retrouver déjà vendredi prochain, à partir de 13h30, et puis ainsi dimanche pour l'accordéon, toujours pareil, à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bon temps d'os et à vous toutes. Il faut partir où le soleil sera. Tu peux me faire sourire, éclater de rire. Rêver dans tes bras. Mais je ne pars pas avec moi. Avril 2023, tu fais quoi? Je te donne une idée. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de la révolution des œillets. Au 25 avril, au Cravo Vermelho. Viens chercher le tien. À la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc, avec le grand Georges Guerreiro. O rei do Barabarabere, vai malandra vai, vou alugar quarto e muitas outras. Mas sans oublier les Capanegra pour animer le bal jusqu'au petit matin. Venez nombreux. Nouvel horaire. Oui, c'est tout nouveau. Venez à partir de 20h. Pourquoi? Eh ben, discutez.